TSR Crew. Ok, ok. Un petit style free pour commencer, c'est vite. 9 balles bien balancées, tu peux jouer les 50. Ici c'est le 18. En cas de danger, rien n'est fictif. Les petits tirs pour faire danser leurs victimes. Une vie de haine amène de Big Ben. J'plie le game, j'vise la lune, donc plus haut que Big Ben. J'mène la vie d'un gladiateur dans le coolisé. Alcoolisé, alcoolisateur et colonisé. J'suis trop instable, l'identité qui te pète à la tête. Tu pètes à la caisse, j'prends le large avant de me mettre à la quête. C'est pas la peine, j'ai pas le cœur et j'ai pas la paye. Pour des projets, un peu de conscience et j'veux pas la perdre. J'suis un mec à l'ancienne, ni Twitter ni Facebook. Dealer de 16 coups, j'leur manège, David fait le tour pour faire court. J'balance entre or et fer. Si les portes se ferment, j'rentre en force dans le Hall of Fame. J'rive tel un petit qui en lui a pris le terrain. J'dis, j'préviens comme Messi, j'leur brise les reins. Même sans pif, c'est bien, ici on tisse des liens. Et quand les kisses deviennent en moins d'une, on file et loin. Le style est étoffé, ni médaille ni trophée. J'viens estropier le beat quand j'me fais trop chier. Nouveau projet, c'est que la préface, un bon présage de ce qui s'annonce après ça. Tu connais, voici mon beau mal. Homer opus, promis deuxième, j'offre la pommade. Crée des dommages, hommage à mes sonars. Un autre qui sonore, qui déjoue tous vos sonars. OMR, tu connais, voici mon beau mal. Homer opus, promis deuxième, j'offre la pommade. Crée des dommages, hommage à mes sonars. Un autre qui sonore, qui déjoue tous vos sonars. Je jure, c'est pas voulu, chaque jour j'ai voulu. C'est connu, y'a pas que les sourds qu'augmente le volume. DSR, c'est du lourd, pas de régime prévu au menu. Je te préviens, je suis venu faire du cul. Je suis venu vomir la rage accumulée. Et ces putes de MC repartent le cul mouillé. Dieu soit loué, je suis pas l'esclave de Pascal Nègre. Indépendant, dites-lui que la case fermée. 18 degrés de violence, ça sort de la chambre froide. Repose en paix, pas de chance, y'a pas que le sable que je croise. Fuck cette France et toutes ces institutions qui pensent que j'ai pas ma place ici, même si je suis le son. Assez des sombres qu'incite à la sédition. Toute façon, je suis pas doué pour la séduction. Je fais du son, une bête qui répond à ses pulsions. Et tout ce qui compte, c'est qu'on dise qu'Omri c'est du bon. Voici mon beau mal, premier opus, promis deuxième, j'offre la pommade. J'crée des dommages, hommage à mes sonars. Un ovni qui sonore qui déjoue tous vos sonars. OMR, tu connais, voici mon beau mal. Premier opus, promis deuxième, j'offre la pommade. J'crée des dommages, hommage à mes sonars. Un ovni qui sonore qui déjoue tous vos sonars.